On se croyait fort, invincible, comme si on avait tout. Mais le bloc est devenu vide, mes frangins font des allers-retours. Depuis quelques temps ça va plus, parce qu'on se divise même entre nous. Le 765 sous le pull, des anciens frères sont à genoux. Père de TN sur le bitume, j'passais mes étés à la caisse. On a connu le manque de thunes, 7 jours sur 7 c'était la dèche. Des soirées dans le bloc, une veille de Jack a parlé de faire un coup. J'ai tout joué comme au blackjack, de la rue j'peux t'en faire un cours. Des courses poursuites avec les îlotiers, pour Vest qui les contrôle. Maintenant c'est les petits qui sortent le mortier pour tirer sur les drones. Mais c'est la street, on avancera toujours quoi qu'il arrive. Charbonne toujours la nuit parce que j'ai pas la vie du prince Harry. J'oublierai pas mes frères de Narbonne à Perpille, ceux qui ont su toujours se taire quand ça sentait la perquise. J'ai taillé des années sur le sol espagnol. Moi je me suis fait discret, j'ai pas investi dans des grosses bagnoles. La rue m'a appris qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ne pas faire confiance à tout le monde, personne te relèvera. Seulement quelques frérots qui seront là quand tu t'élèveras. Y'aura beaucoup de sourires quand tu finiras sous le drap. La rue m'a appris qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ne pas faire confiance à tout le monde, personne te relèvera. Seulement quelques frérots qui seront là quand tu t'élèveras. Y'aura beaucoup de sourires quand tu finiras sous le drap. Croyez-moi, j'oublie pas ceux qui ont fait preuve d'hospitalité. Ceux qui venaient me rendre visite quand à l'hosto j'étais alité. Y'a une grosse différence entre leurs rêves et la réalité. J'ai vu que l'argent divisait bien avant l'affaire. L'idée. S'il y a à manger pour deux, y'en a pour 50. Frérot, je t'oublierai pas si tu tombes pour 5 ans. Si t'es mon pote, t'as des problèmes, vas-y raconte. Va pas te noyer dans la zoti, faire une syncope. Toi tu veux savoir ce que j'ai appris du dehors. Relève-toi, te laisse pas faire, parce que sinon t'es mort. Avoir du respect pour les petits, pour les aînés. Y'a rien de glorieux à passer sa vie à zoner. Moi pequeño, frérot, je me prenais pour péné, hein. Aller-retour en Hollande, mon cerveau je l'assommais. Et non mon petit ref, moi je te fais pas la morale. Sache que dehors soit tes soldats au caporal. La rue m'a appris qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ne pas faire confiance à tout le monde, personne te relèvera. Seulement quelques frérots qui seront là quand tu t'élèveras. Y'aura beaucoup de sourires quand tu finiras sous le drap. La rue m'a appris qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ne pas faire confiance à tout le monde, personne te relèvera. Seulement quelques frérots qui seront là quand tu t'élèveras. Y'aura beaucoup de sourires quand tu finiras sous le drap.